السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الندير رحمه الله. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque soulage un croyant d'une peine parmi les peines de ce bas monde, Allah le soulagera une peine, Allah le soulagera une peine parmi les peines du jour dernier. Quiconque facilite à une personne dans la gêne, Allah lui facilitera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quiconque voile un musulman, Allah le voilera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah est à l'aide du serviteur tant que celui-ci est à l'aide de son frère. Et quiconque emprunte un chemin à travers lequel il recherche une science, Allah lui facilite par cela un chemin menant au paradis. Et il n'y a pas un groupe de gens qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah, qui récitent le livre d'Allah, l'étudient entre eux, sans que ne descende sur eux la tranquillité, l'apaisement, et sans que ne les recouvre de leur miséricorde les anges, et sans que les anges ne les entourent, et qu'Allah ne les mentionne à ceux auprès de lui. Et celui qui est retardé par ses œuvres ne sera pas mis en avant par sa lignée, rapporté par Muslim. Le noble shaykh Saleh ibn Saleh al-Fawzan, hafizahullah, nous dit en commentaire de ce hadith: ce hadith est comme s'il était contraire à celui qui le précède. Le hadith précédent contenait l'interdiction des caractéristiques et comportements blâmables, et celui-là contient l'ordre d'adopter les caractéristiques et comportements louables. C'est pour cela que l'auteur l'a fait suivre. Et cela fait partie du fiqh de l'auteur, de sa science, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est-à-dire, au lieu de prendre comme caractéristique celle citée dans le hadith précédent, donc qui était blâmable, il est obligatoire pour toi d'adopter ces caractéristiques et comportements louables, donc ceux qui sont cités dans ce hadith. Intaha kalamuhu hafidhahullah. Donc ces caractéristiques et comportements louables, cités par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont... Premièrement, dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit: man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama. Donc ici, le fait de soulager son frère d'une peine, d'un chagrin qui l'a touché. Donc, le fait que tu lui apportes ton aide dans cela, afin que cette peine ou ce chagrin disparaisse de lui. Que cela soit dans ses biens, par une aide financière, ou bien un conseil, ou autre chose permettant de dissiper son chagrin. Donc un acte qui fera qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en récompense de cela, soulagera son serviteur d'une gêne, d'une peine qu'il pourra avoir le jour dernier. Et il n'y a aucun doute pour celui qui médite sur les textes et les ahadiths venant montrer les frayeurs et les épreuves du jour dernier, quant au fait que chacun d'entre nous a le besoin de recevoir un soulagement, une aide provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyama, pour ce jour immense. Donc la personne accourt à dissiper les gênes ou les peines que son frère en islam peut avoir. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Donc ici, c'est-à-dire le fait d'aider et de faciliter à une personne qui est endettée. Cela par le fait soit de lui supprimer sa dette, dans le cas où la personne est celle qui, à qui cette personne lui doit de l'argent, ou bien de lui supprimer une partie de la dette, ou bien de payer pour lui une partie de cette dette, ou bien de retarder l'échéance de la dette à un moment où cette personne pourra payer cette dette sans que cela ne lui cause de gêne. Et à ce sujet, il a été rapporté la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les gens les plus aimés par Allah sont les plus profitables aux gens. »« Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. » Et les œuvres les plus aimées par Allah sont une joie que tu entres dans le cœur du musulman ou de lui ôter une peine ou de lui rembourser une dette. Il a akhiri kalamihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc ici, le fait de lui rembourser une dette, qui sont les œuvres les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Donc ici, le fait de voiler et de cacher les défauts de son frère musulman. Noble Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit à ce sujet, cela est l'inverse de la médisance et du colportage. Donc, l'interdiction, dont l'interdiction a été citée dans le hadith précédent. Donc, si tu vois ton frère, si tu vois sur ton frère un manquement dans sa religion, alors empresse-toi de lui donner conseil en privé. Il se peut qu'il soit ignorant, ou bien que son âme ou le Satan, Shaitan, ait pris le dessus sur lui. Donc toi, tu lui donnes conseil et tu lui expliques cela en privé, de manière cachée, tu le voiles et ne le dévoiles pas dans les assises auprès des gens. Donc bien sûr, cela est dans le cas où la personne ne fait pas partie des personnes pour lesquelles il est permis de citer le mal qu'ils font, comme celui qui fait des péchés en public, par exemple. Ou dans le cas où la personne va pour se plaindre d'une personne, comme si elle allait, par exemple, chez le juge, ou bien qu'elle dit ces choses-là à une personne dans le but que cette personne vienne réformer le mal qui a pu se faire ou autre. Donc certains cas dans lesquels il est permis de rapporter une chose sur son frère ou autre dans le but de réformer ou dans le but de mettre en garde à cette personne, comme une personne qui voudrait par exemple avoir des relations, avoir de l'achat ou de la vente avec une personne qui n'est pas fiable, une personne qui n'est pas de confiance. Donc à ce moment-là, par exemple, il sera permis à la personne d'aller mettre en garde contre cette personne. Plus encore, point de vue religieux, de mettre en garde contre les personnes qui ne sont pas aptes à enseigner l'islam, cela de par leur ignorance ou bien du fait qu'ils s'affilient à des innovations ou autres. Donc cela sera une exception de ce hadith. À la kulli hal, donc la base est que le musulman voile son frère en espérant par cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui voile lui aussi ses défauts dans ce bas monde et dans le-delà. Et s'il voit un manquement sur son frère, donc il accourt à le réformer, à lui porter conseil. Comme il a été rapporté dans le hadith, « Al-mu'minu mir'atu akhi » Donc le croyant est le miroir de son frère. Est le miroir de son frère. Donc il le conseille dans le but de le réformer et dans le but d'obtenir par cela la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, « Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhi » Donc ici, le fait d'être à l'aide de son frère, comme dans le hadith cité précédemment, les personnes les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus profitables aux gens. Donc la personne aide son frère, que cela soit dans ses biens, par sa science, par sa notoriété, ou bien en lui donnant conseil, ou toute autre forme d'aide qu'il peut apporter à son frère, en espérant par cela avoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que lui entreprend. Il n'y a aucun doute que celui qui obtient l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses affaires aura obtenu un bienfait immense et verra se concrétiser toutes ses affaires. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc ici, cette partie-là nous montre un des immenses mérites de l'apprentissage de la science religieuse, donc qui est une cause menant au paradis. Et qui est une chose, qui est la chose que le serviteur demande en réalité tous les jours, dans chacune de ses prières, dans sa parole, Ihdina sirat al-mustaqim, c'est-à-dire guide-nous sur le droit chemin, qui est le chemin de la science profitable et des œuvres pieuses. Et il n'y a aucun doute que l'islam est une religion de science et d'œuvres, car quiconque œuvre sans science aura une part de ressemblance aux dhalin, donc aux égarés, que nous citons dans Sourate al-Fatiha, qui englobe ceux qui œuvrent sans science, ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et quiconque apprend sans mettre en pratique sa science aura une part de ressemblance aux mardoubi alayhim, qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui englobe ceux qui ont une connaissance mais qui ont délaissé les œuvres. Donc par la science, le musulman complète sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et se complète et atteint la perfection qui est selon son état d'être humain imparfait. Puis il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, certains des immenses mérites de l'apprentissage de la science. Parmi ceux-là, l'apaisement qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur ceux qui se réunissent pour étudier le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, yatadarasunahu. Donc que cela soit par son apprentissage par cœur, ou bien l'étude de ces sciences qui est le plus important, dans le but de mettre en pratique ce que contient le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le fait que les anges les entourent de leurs ailes, et cela, les anges les entourent. Et cela, cela montre le mérite des étudiants en sciences et aussi que les anges viennent les aider dans ce qu'ils accomplissent. Dans certains hadiths, innal malaikata la tadau ajnahatahum ridan bima yathna'u talib al-'ilm. Donc les anges sont agréés de ce que fait l'étudiant en sciences et l'aide dans cela. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de lui, aux anges auprès de lui. Cela est un mérite immense, sans aucun doute. Puis dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ بَطَّى بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَ بِهِ نَسَبُهُ. Nous avons ce qui incite la personne à accomplir les œuvres pieuses et à accourir à cela, dans le but d'obtenir un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sauvé le jour dernier. Et de ne pas être trompé par sa lignée ou bien sa noblesse ou le haut rang qu'il peut avoir aux yeux des gens. Car la réelle chose qui élève la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est, comme il nous le cite, la piété, at-taqwa. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum. D'après le sens du verset, certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pur. Hada, wallahu a'lam, wa sallillahumma wa sallim, ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbi, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda, wa tuqa, wa al-afaf, wa al-ghina, Allahumma ahdina li ahsani al-akhlaq wa al-a'mal, فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.